Pour un bon repas en famille ou seul, c'est au restaurant Midas qu'il faut aller. Menu adapté à tous les budgets, servi par un personnel courtois et affable. Le propriétaire, M. Danny Potvin, souhaite un franc succès aux organisateurs du triathlon de Saint-Félicien et un bon congé de la fête du travail à tous ses clients. Restaurant Midas, 1084 route 169, 418-679-0900. Feu, vol, vandalisme ou rénovation. L'équipe qu'il vous faut, c'est celle de ProNet Régent Côté, communément appelée Gus. Bien implanté dans son milieu depuis 25 ans, Gus est générateur d'emplois dans sa communauté avec plus de 35 emplois créés dans le secteur. Gus, 1651, route 169, Saint-Félicien, 418-679-4178. Monsieur Régent Côté souhaite la meilleure des chances à l'organisation du triathlon de Saint-Félicien et souhaite du beau temps aux organisateurs. On va parler de hockey mineur. Là. On n'a pas été capable de lui parler cette semaine. On sait que la semaine, il est pas mal occupé. Quoi qu'il en soit, on va parler au président du hockey mineur de Dolbeau-Mistassini, David Lamontagne, pour parler un peu de comment ça s'est passé, faire le bilan un peu du match entre les Saguenayens de Chicoutimi et les Remparts de Québec. Ça a été vraiment une réussite complète. On en parle avec David. Salut David! Salut Danny! Félicitations d'abord à toi et ton organisation, parce que m'a dit en affaire, les gens... Moi, ce que j'ai remarqué la semaine passée, c'était comment que les gens étaient contents. Oui, oui, on a vraiment senti ça. Hein, ouais. Il y a beaucoup de gens qui se promenaient et le monde était content qu'il y en avait neuf. C'était le fun d'avoir l'aréna bien pleine aussi. Là. C'était plaisant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Oui, 500. Écoute, je parlais avec Paul Morel cette semaine en entrevue pour la Véloroute. Puis de voir le line-up 2 heures avant le match, c'était quelque chose, là. Oh, oui, je sais pas si tu l'as vu. Je sais pas si les gens ont vu la file qu'il y avait, là, mais c'était assez impressionnant. Là. Oui, effectivement. David, comment vous allez faire finalement en termes de profit? Là, est-ce que c'est vraiment là c'est que l'année passée, pour avoir l'expérience de l'année passée à Berval, c'était difficile de chiffrer parce qu'il y a encore des dépenses à avoir. Mais je sais que Desjardins est avec une grosse commandite, il doublait le profit. Donc avant le profit, là, avant que Desjardins double. Est-ce que ça va ressembler à ce que Robert Val avait fait, 5 000 $ à peu près? Ben, nous autres, au départ, c'est sûr qu'on visait ça. On visait 5 000 $. Je n'ai pas exactement le montant total exact, parce que je me dis, comme tu disais tantôt, il reste à tout démêler ça. Mais environ, on a dépassé notre objectif. Ça devrait être au-dessus de 7 000 $ de profit. Okay. Plus, comme tu dis, avec notre entente avec la Caisse populaire, ben j'étais concurrence de 5 000, donc un 5 000 de la Caisse populaire. Mais on peut appeler ça une réussite. Là. Donc, ça va nous donner en tout et partout 12 000 $ avec l'argent. Incroyable. Ouais, c'est très bon, c'est merveilleux pour le hockey mineur. Là, c'est... Ah non, j'en profite pour remercier tous les bénévoles qui se sont impliqués. Tous les partenaires là-dedans, les commanditaires, la ville, Paul Morel qui nous a aidés là-dedans. C'est merveilleux. C'est sûr que là, on n'a pas le montant exact final. Là. Mm. Et ça peut être plus, mais ça peut pas être moins. Ça peut pas être moins. Donc, on parle de 12 000 $ de profit, c'est qui est vraiment exceptionnel. Là, l'année passée, tu sais que ça va servir à quoi? Parce que je sais que l'année passée, on avait regardé que peut-être pour changer les chandails du côté de Roberval, est-ce que ça pourrait être la même affaire pour Dolbeau? Oh, oui, les chandails, c'est à chaque année. À chaque année, on a des. C'est sûr qu'une année, mettons que. Une année que ça va peut-être un petit peu moins bien ou qu'on fait moins d'argent, ben, on n'aura pas d'achat de chandails. Mais là, présentement, à chaque année, on essaye de tout changer nos chandails. Ça va surtout là-dedans, là, dans les achats de chandails, tout changer. Présentement, on sait que comme nous autres dans l'atome, on a plus d'équipes un petit peu cette année. Ben, c'est toujours ça. Là. C'est surtout pour ça que ça va, là, pour renouveler autrement les chandails du hockey mineur. OK. Là, les Saguenayens, as-tu parlé aux Saguenayens après? Qu'est-ce que les Saguenayens ont dit? On s'est pas vraiment reparlé après. Mais ils semblaient bien contents eux autres aussi de leur côté. Nous autres, on était enchantés. Écoute bien, s'ils veulent venir à chaque année, nous autres, on les souhaite la bienvenue, il n'y a pas de problème. Là. Ben là, c'est ça, parce que nous autres, on a bien aimé ça, puis écoute, C'était là, tu l'as vécu. En plus, on a eu quand même un beau match. Ouais. Un match serré, tout le match, puis c'était vraiment plaisant. Oui, effectivement. Là, comment que ça va, je veux dire, du côté maintenant du hockey mineur? Parce que là, ce qui va arriver, c'est que probablement que ça va devenir une classique. Si ça va ressembler à Saint-Félicien peut-être l'an prochain. Mais Normandin, ça appartient au hockey mineur également, de Dolbeau-Mistassini. Donc, peut-être une possibilité également du côté de Normandin, quoi? Nous autres, dans le fond, là, on choisit l'aréna qui a le plus de capacité, dans le fond, pour avoir le plus de personnes. C'est pour ça qu'on a déplacé ça à Dolbeau, puis pour avoir le plus de monde possible dans l'aréna. C'est qu'on fasse ça à Dolbeau, à Normandin ou à Mistassini, l'argent va aux mêmes personnes. C'est les joueurs de hockey viennent de toute l'action en or. Fait que dans le fond, l'argent va à la même place. Fait que, moi, je pense que c'est vraiment à Dolbeau qui a le plus de capacité de dans l'aréna. Donc, je pense que c'est logique de faire ça dans l'aréna de Dolbeau. Par contre, non, peut-être que les Seigneurs veulent peut-être aller chercher des clients de plus. Là. C'est ce qu'on va voir. Oui, mais tu sais, moi, je sais qu'il y avait beaucoup de personnes de Normandin dans l'aréna. Il y avait du monde de Saint-Félicien. Il y avait... c'est ça. Okay. C'est un peu pour ça que je dis Dolbeau, mais c'est sûr que c'est là qu'on a la possibilité de rentrer le plus de monde dans l'aréna. OK. Dis-moi maintenant, si on y allait avec... est-ce que c'est plus d'ouvrages qu'organiser... parce que là, tu m'annonces ce matin que ça va être pratiquement 12 000 $ de profit. Est-ce que c'est plus d'ouvrages qu'organiser un tournoi? Parce que le tournoi, vous travaillez fort. C'est une semaine, là, c'est un match. Là. Non, mais un tournoi, c'est beaucoup plus... un tournoi, c'est sur... une semaine. C'est sûr qu'à nous autres, ça a été quand même sur peut-être un mois, mois de préparation. C'est quand même, mais c'est sûr qu'un tournoi c'est plus long, c'est les inscriptions, c'est sur trois à cinq, et même des fois c'est une semaine. Donc c'est sûr qu'un tournoi c'est quand même assez c'est plus long un tournoi là. Okay. C'est plus d'ouvrages, c'est plus de bénévoles, plus de tout. OK. Puis deuxièmement, est-ce que ça c'est peut-être à la fin vous avez peut-être moins d'argent aussi, là, ou plus ou ça se ressemble pas mal? Là. Non, écoute, nos tournois l'année passée, si on parle juste du tournoi Atome Pee-Wee, on est allé chercher je pense que c'est 13 000 $. Okay. Fait que, tu sais, c'est un record, c'est quand même. T'sais, normalement, en 5 et 6 000 par tournoi, c'est pas mal dans la moyenne, là, ouais. OK. David, parle-moi maintenant de l'inscription. Comment ça a été la semaine passée? Ben, les inscriptions, c'est sûr qu'on avait fait notre inscription plus tôt cette année, en raison de la partie des Saguenayens. Puis c'est sûr on a beaucoup d'inscriptions sur le tard, mais autrement dit, jusqu'au 15 septembre, on prend les inscriptions. OK. J'invite les gens à s'inscrire encore. On a de la place encore. Surtout, on a un gros besoin dans les catégories Bantam, Midget. Puis oui, Bantam, Midget. Pour ce qui est de pré-novice, novice, atome, il y a beaucoup d'inscriptions. Mais je rappelle aux gens que jusqu'au 15 septembre, on prend les inscriptions. On a fait peut-être informer sur notre site, là, notre site internet ou sur notre Facebook pour communiquer. Puis c'est sûr qu'il faut s'inscrire avant d'embarquer sur l'Atlas. Mais pour les assurances. Ah, c'est clair. Hey, dis-moi, au niveau des arbitres, ça va bien aussi de ce côté-là? Oui. Oui, ça va bien. Puis je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux arbitres qui sont inscrits là, pour la prochaine formation. Okay. En espérant d'avoir des nouveaux arbitres de Dolbeau, des nouveaux arbitres de Normandin. C'est qu'à Normandin, on a un gros besoin. Oui, quand même surprenant. Et du côté, du côté maintenant de l'Assemblée générale, l'année passée, vous aviez... est-ce que ça se termine avec un profit, le déficit? Comment ça se termine? Oui, un profit, un gros profit. Justement, c'est comme je te disais, je pense, la dernière fois qu'on s'est parlé, cette année, avec l'argent, vu qu'on a fait deux bonnes années, les deux dernières années avec nos tournois, on a diminué le montant des inscriptions. Okay. Donc, c'est un peu pour ça. Là, le profit qu'on a fait l'année passée, on en fait profiter les gens, les jeunes. Autrement dit, on a baissé l'inscription de chaque catégorie de 30 $. OK. Donc, mais le profit de combien l'an passé? Je pourrais te leur dire, j'ai pas les chiffres présentement sur moi, là. Mais je pourrais t'ordonner ça la prochaine fois qu'on se parle, là, je te dirai tout ça. OK. Un nouveau CA aussi, j'imagine? Oui, il y a des nouvelles personnes. Nouvelles personnes dans le CA. Okay. Des départs. On a quand même un bon groupe qui reste. Donc, pour assurer le suivi, là, ça, c'est quand même bon de garder une partie du comité. Ben oui. Mais on a... oui, on avait deux postes de libre. On devrait les avoir comblés là, cette semaine. OK. Puis, c'est ça. On est prêt à décoller. Fait que, on a bien hâte de voir ça également. Ben David, félicitations encore une fois. Ça fut fort agréable. Ben, tu sais, une affaire, c'était le fun de voir le complexe sportif du secteur de Dolbeau vraiment plein. Juste ça, c'est pas chiffrable. De voir la bonne humeur que les gens, les gens étaient de bonne humeur. 2 heures avant le match, il y avait un line-up, comme je le répète. Il n'y avait pas vraiment de raison. Ça te démontre à quelque part que les gens voulaient cette activité-là. Puis j'espère, je pense que pour du côté des Saguenay, ça va devenir une classique parce que c'est win-win. C'est gagnant-gagnant des deux bords. Là. Exactement. Ouais. Ben, David Lamontagne, on s'en parle parce qu'il y a des grosses chances qu'on fasse une chronique hebdomadaire comme on fait avec Robert Barre. Oui. Le président du hockey mineur de Dolbeau, c'est David Lamontagne.